الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 33 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé donc au dernier cours, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala il explique donc que parmi les awliya, il y a différents degrés. Et on a expliqué les degrés dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans différentes parties, dans différents versets dans le Coran, en particulier Surat Fatir, dans lequel il explique le degré des Muqtasidun et des Sabiqoun. Al-Muqtasidun et Al-Sabiqoun. Donc on va revenir de toute façon à l'explication des détails de ces catégories-là. Puisqu'on les a déjà expliqués dans le passé, mais on revient. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il va élaborer un peu plus sur ces différentes catégories parmi les degrés des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah dit donc ces trois degrés ou ces trois catégories parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnés dans le verset. Et ce sont trois catégories qui font partie de la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et il mentionne donc le verset 32 dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Puis ensuite nous avons fait hériter du livre ceux d'entre nos serviteurs que nous avons choisis. Parmi eux, il y en a qui se font de l'injustice à eux-mêmes, d'autres parmi eux qui sont sur une voie moyenne, et d'autres parmi eux qui dépassent tous les autres dans le bien par la permission d'Allah. Voilà la grâce immense. » Et donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il a cité ce verset, et Cheikh Al-Fawzan maintenant il va expliquer un peu plus. Il dit ثم أورثنا الكتاب يعني القرآن الذين اصطفينا أي اخترناهم يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس ومن عبادنا من عبادنا هم هذه الأمة أورثناها أورثها الله الكتاب وهو القرآن العظيم واصطفاهم يعني اختارهم على غيرهم من الأمم كرمهم بذلك وشرفهم. Donc le Cheikh il explique que ensuite il a fait hériter يعني le livre, et il dit que le livre ici c'est le Coran. Il a fait hériter le Coran à ceux qu'il a choisis, hein, ceux qu'il a choisis de ses serviteurs. Et donc il dit ceux qu'il a choisis, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat Al-Imran, de verset 110, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Hein? Et il dit donc, parmi nos serviteurs, c'est-à-dire ceux de notre umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est nous qui avons hérité donc du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, Al-Azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc choisi cette umma par-dessus, ou yani, il a choisi cette umma yani, ala ghayrihim min al-umam, c'est-à-dire au-dessus des autres nations, et il les a honorés par cela, et les a yani, il leur a fait cet honneur de les choisir en particulier. Et il dit وأمة محمد, donc شيخ الإسلام ابن تيمية il dit وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui ont hérité du livre après les nations qui nous ont précédés. بل كل من آمن بالقرآن. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait donc hériter à la umma, il a fait hériter le livre à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après les peuples et les nations qui ont précédé, qui ont été précédentes, c'est-à-dire qui ont précédé la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les juifs et les chrétiens. Donc après les juifs et après les chrétiens, c'est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont hérité du livre. Il dit que ça, c'est pas spécifique à ceux qui ont mémorisé le Coran. Et le cheikh, il explique ici, il dit « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » Donc cheikh Al-Fawzan, il dit « فوارث هذا الكتاب هم المؤمنون ولو كانوا لا يقرؤون القرآن وليس ذلك خاصا بحفاظ القرآن بل كل مؤمن من هذه الأمة فإنه ورث هذا الكتاب ويحصل على هذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى فإن المؤمن من أهل القرآن فإن المؤمن من أهل القرآن وإن لم يحفظه. Donc le cheikh, il explique que ceux qui ont hérité du livre, ce sont les croyants, même si ils ne le récitent pas, même s'ils ne l'ont pas lu, hein. Donc c'est pas spécifique à ceux qui ont mémorisé le Coran. C'est pas seulement ceux qui ont mémorisé le Coran qui font partie, hein, des gens du Coran. Et c'est pas seulement ceux qui l'ont mémorisé qui ont hérité du livre. Le cheikh explique que tout croyant de cette Ummah, hein, qui a cru au Coran, alors il a hérité du livre, hein, et il obtient cette récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant fait partie des gens du Coran même s'il ne l'a pas mémorisé au complet, hein. Et il dit ensuite, il explique la suite des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah quand il a dit bal kullu man amana bil Qur'an fa huwa min ha'ula, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au Coran, ils font partie donc de ceux qui ont hérité du livre. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي وَرَثَتِ الْكِتَابِ. Donc il dit, tous ceux qui ont cru en le Coran, donc ils font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, hein, parmi ses serviteurs, et il fait donc, il est de cette Ummah, hein, il est de cette Ummah qui a hérité du livre, qui a hérité du livre. Il dit ensuite وَقَسَّمَهُمْ إِلَى ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ وَمُقْتَصِدٍ وَسَابِقٍ بِخِلَافِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْوَاقِعَةِ وَالْمُطَفِّفِينَ وَالْإِنْفِطَارِ. MashaAllah. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé donc les serviteurs, hein, qui ont hérité du livre dans cette umma en trois catégories. La première catégorie, hein, الظالم لنفسه, celui qui se fait de l'injustice ou du tort à lui-même. والمقتصد, celui qui est sur une voie moyenne. والسابق بالخيرات, hein, celui qui a devancé tous les autres dans le bien, hein, qui est en avant de tous les autres dans le bien. Contrairement aux autres divisions qui ont été mentionnées dans Surat Al-Waqi'a, Surat Al-Mutaffifin et Surat Al-Infitar. Donc le cheikh, il dit, il explique ensuite, il dit فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ فِي الْوَاقِعَةِ إِلَّا صِنْفَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَصْحَابِ الْيَمِينَ وَذَكَرَ مِنْهُمْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ وَهُمُ الْكُفَّارِ وكذلك في وذكر معهم أصحاب الشمال وهم الكفار وكذلك في سورة الإنسان ذكر صنفين فقط المقربين والأبرار وذكر الكفار معهم وفي سورة الانفطار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعني ذكر الصنفين فقط أما في سورة فاطر ذكر الأصناف الثلاثة من هذه الأمة وذكر بعدهم أهل النار والعياذ بالله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فذكر أربعة أصناف، ثلاثة من هذه الأمة وصنف، يعني الكفار صنف واحد والعياذ بالله، والمطففين أيضا ذكر فيها المقربين والأبرار فقط. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique par la suite, il dit, puis ensuite nous avons fait hériter du livre, donc il dit que dans Surat Al-Waqi'a, il n'a mentionné que deux catégories parmi les croyants, les rapprochés et les gens de la droite. Puis il a mentionné avec eux également les gens de la gauche qui sont les kuffars. De même que dans Surat Al-Insan, il a mentionné également deux catégories seulement, ceux qui sont rapprochés d'Allah et Al-Abrar, les pieux ou les gens du bien. Puis il a mentionné aussi les kuffars après, par la suite. Puis dans Surat Al-Infitar, la même chose, il a mentionné Al-Abrar ou Al-Fujjar. Donc il a mentionné deux catégories, les gens du bien, Al-Abrar, les gens qui font le bien, il dit qu'ils seront dans les délices, tandis que les Fujjar, les kuffars, les mécréants, les pervers, ils seront dans l'enfer. Donc il a mentionné seulement deux catégories dans Surat Al-Infitar. Et dans tandis que dans Surat Fatir, il les a divisés en trois catégories, les croyants, comme on les a mentionnés, les gens qui font de l'injustice à eux-mêmes, les gens de la voie moyenne et ceux qui sont en avant des autres et qui dépassent les autres dans le bien. Et il a mentionné ensuite de ça les gens de l'enfer, que Allah nous préserve, et il a dit à leur sujet dans le verset 36, ceux qui ont renié la foi, ils auront le feu de l'enfer qui ne va pas les achever complètement pour qu'ils meurent et qui ne va pas non plus diminuer de leur châtiment. Ainsi, rétribuons-nous toute personne qui renie la vérité. Donc, ils sont mentionnés ici dans Surat Fatir en quatre catégories. Et ces quatre catégories, c'est les trois catégories des croyants et une catégorie qui est toute seule, qui est la catégorie des kuffars, wal'iyadhu billah. Et il mentionne dans Al-Mutaffifin deux catégories, les muqarrabin, ceux qui sont rapprochés, et Al-Abrar, les gens du bien, les pieux, les vertueux. Donc ça, c'est les divisions qu'on retrouve dans les différentes sourates. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que dans les autres sourates, dans les sourates Al-Waqi'a, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, il a fait rentrer dedans toutes les différentes nations précédentes, parce qu'il a seulement divisé les gens en croyants et mécréants dans cette division-là. Donc ça inclut dans cette division les croyants et les mécréants. Donc ça comprend les nations précédentes aussi, puisque parmi les nations précédentes, chez les juifs et les chrétiens, il y a les croyants et il y a les mécréants. Tandis que dans Surat Fatir, il a mentionné uniquement la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il les a divisés en trois catégories. Il dit فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحرم للمحارم والسابق بالخيرات أو السابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. Donc il dit, en ce qui concerne celui qui se fait du tort à lui-même ou de l'injustice à lui-même, il dit ce sont les gens qui ont commis des péchés et qui persistent à les commettre, tandis que les muqtasidun, ce sont les gens de la voie moyenne, ceux qui font ce qui est obligatoire sans faire les nawafil et qui s'écartent des péchés, des kaba'ir, mais qui ne s'abstiennent pas des makari, des choses qui sont makruha, des choses qui sont détestables. Et as-sabiqu bil khayrat, c'est le croyant qui fait les actes obligatoires et qui fait les actes surérogatoire en plus, les nawafil, et il dit, comme c'est mentionné dans les trois dans les versets, donc dans Surat Fatir, comment les croyants sont divisés, et il dit, quiconque s'est repenti d'un péché, d'une repentance sincère, alors dans ce cas-là, même s'il a commis des péchés, il ne sort pas de faire partie des gens qui sont parmi les premiers et parmi les gens de la voie moyenne. Donc si quelqu'un, par exemple, il est parmi les gens de la voie moyenne, c'est-à-dire il fait partie des gens qui ont devancé les autres dans la foi, ou bien qui sont de la voie moyenne, s'ils ont commis un péché quelconque, hein, parmi les grands péchés, et qu'ils se sont repentis de ce péché-là, eh bien dans ce cas-là, ils ne sont pas sortis de cette catégorie-là, parmi les catégories des croyants. Donc ils sont toujours parmi les catégories des awliya, qui sont parmi les premiers qui ont devancé les autres, parmi les muqarrabin ou bien parmi les muqtasidin. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, quand le cheikh, il dit que les surat al-waqi'a, surat al-insan, surat al-mutaffifin, surat al-infitar, la division qui est faite dans ces surat-là, c'est la division entre les croyants et les mécréants, peu importe de quelle nation. C'est-à-dire que ce soit la nation de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou les umams précédentes, que ce soit celle des juifs ou des chrétiens ou autres. Hein? Parmi eux, il y avait les croyants et il y avait les mécréants. Et c'est pour ça que le cheikh Al-Fawzan, il dit « Surat al-Waqi'a wa surat al-insan, surat al-mutaffifin wa surat al-infitar, dakhala fiha al-mu'min wal-kafir min jami' al-umam. » لكن هذه الآية من سورة فاطر خاصة بهذه الأمة خاصة بهذه الأمة وبالمؤمنين من هذه الأمة. Donc il dit, en ce qui concerne la sourate Fatir, quand il mentionne la division dans le verset 32, c'est à propos de cette umma seulement, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les croyants de cette umma. Et il dit, par rapport au fait que quelqu'un commette un grand péché puis qu'il se repent d'une repentance sincère, hein, et que du fait qu'il s'est repenti, il ne sort pas des catégories de ceux qui ont devancé les autres dans le bien ou de ceux qui sont sur la voie moyenne. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, amma man taba min adh-dhunub fa huwa kaman la dhanba lahu hatta walaw fa'ala ash-shirk wal kufr wa taba fataba Allahu alayhi كمن لا ذنب له إنما هذا في أصحاب الذنوب الذين لم يتوبوا وهي دون الشرك هؤلاء تحت المشيئة. Donc il dit, ceux qui se sont repentis des péchés, ils sont comme s'ils n'avaient pas commis de péché du tout. Celui qui s'est repenti d'un péché, il est comparable à celui qui n'a pas commis de péché du tout, même s'ils avaient fait des péchés comme le shirk et le kufr. Du moment qu'ils se sont repentis, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentance, et donc ils deviennent comme s'ils n'avaient pas commis de péché. Et il dit que quand on parle des catégories des croyants qui, par exemple, font partie de ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, eh bien, ceux-là, c'est ceux qui sont morts sans se repentir de leurs péchés, et donc eux, ils sont sous la volonté d'Allah, et c'est pour des péchés qu'ils ont faits et qu'ils ont commis qui sont moindres que le shirk. Donc ceux-là sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut leur faire miséricorde, il va les pardonner, et s'il décide de les punir ou de les châtier, il va les châtier par sa justice. Et on sait que selon la aqida d'Ahlus Sunnah, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer s'ils entrent en enfer, mais ils vont en sortir après un certain temps, comme Allah subhanahu wa ta'ala va décider de les faire sortir. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, kama fi qawlihi ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ces versets dans Surat Al-Imran de 133 à 136, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Il dit, et pour. Attends, c'est ça, 133, et concourez au pardon de votre Seigneur. Donc faites la course, hein, au pardon de votre Seigneur. Et vers un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, et qui dominent leur rage, hein, ils contrôlent leur colère, et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Hein? Et il dit ensuite, et pour ceux qui, s'ils ont commis, hein, une fahisha, hein, une turpitude, un péché très laid, ou causer un tort à leurs propres âmes en faisant des péchés et en désobéissant à Allah, à ce moment-là se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, hein, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Hein, et qui est-ce qui pardonne les péchés, yani, sinon Allah? Ceux-là, pour leur récompense, ils auront le pardon. Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur. Ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Donc c'est pour dire que si quelqu'un s'est repenti, hein, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là en disant, وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً يَعْنِي تَابُوا مِنْهَا وَصَارُوا فِي الْجَنَّةِ كَأَنَّهُمْ لَمْ يُذْنِبُوا فَفِهِ فَضْلُ التَّوْبَةِ. Donc le Cheikh, il dit, ceux qui ont commis une turpitude et qui se sont repentis, hein, eh bien ils vont être au paradis. C'est comme s'ils n'avaient pas commis de péché du tout. Et ça nous montre le mérite de la repentance. Et ça, c'est ce qui nous montre en même temps la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon. Peu importe la gravité ou la grandeur de ton péché, du moment que tu reconnais que tu as fait un péché, que tu as désobéi à Allah et que tu demandes sincèrement à Allah de te pardonner, et le Cheikh, il dit, « Ulaika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim. » فالتائب من الذنب لا تنقص درجته عن السابقين والأبرار وأصحاب اليمين فإذا حسن عمله لا ينقص ولا تنقصه المعصية التي تاب منها وكأنها لم تكن سبحان الله. Donc le Cheikh, il dit, ceux-là, ils auront un pardon de leur Seigneur. C'est-à-dire que la personne qui s'est repentie d'un péché, ça ne va pas faire diminuer son degré s'il faisait partie des gens qui ont devancé les autres dans le bien et des gens de la bonté ou des gens du bien ou les gens de la droite. S'il faisait partie de ces gens-là avant de commettre ce péché, eh bien ça ne le fait pas diminuer de degré du moment qu'il s'est repenti sincèrement. Si ses œuvres sont bonnes, hein, et s'il s'est repenti, son péché duquel il s'est repenti, ça ne le fait pas, hein, diminuer de degré. Et le Cheikh, il dit, c'est comme s'il ne l'avait pas fait. C'est comme si son péché était absent complètement, effacé complètement. Subhanallah. Et il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, wa qawluhu jannatu adnin yadkhulunaha mimma yastadillu bihi ahlus sunnati ala annahu la yukhalladu fin nari ahadun min ahli at-tawhid. Et donc, Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné les trois catégories, ceux qui se font du tort à eux-mêmes, hein, et ceux qui sont de la voie moyenne, et ceux qui dépassent les autres dans le bien, ces trois catégories-là, Allah il dit à la suite, ils vont rentrer au paradis. Jannatu adnin yadkhulunaha. Et il dit que ça fait partie des preuves sur lesquelles les gens de la sunna se reposent pour établir que les gens du tawhid, ils ne vont pas entrer ou rester éternellement en enfer s'ils y rentrent. Les gens du tawhid, s'ils meurent sur un péché parmi les kaba'ir et qu'ils rentrent en enfer, ils ne vont pas y demeurer éternellement tant qu'ils sont parmi les gens du tawhid. Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit raddan 'ala al-khawarij wal-mu'tazila alladhina yaqulun innahu yukhalladu fi an-nar man dakhalaha wa la yakhruj minha والأدلة من القرآن والسنة على أن الموحد إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها. Donc il dit, ça c'est une réfutation de la secte des Khawarij, des Mu'tazila, qui disent que si quelqu'un entre en enfer, il va y demeurer éternellement, il n'en sortira pas. Et les preuves du Coran et de la Sunna sont clairs et établissent que le musulman qui est sur le tawhid, s'il entre en enfer pour ses péchés, il ne va pas y demeurer éternellement, mais plutôt il va en sortir. Il va en sortir. Et il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa amma dukhulu kathirin min ahli al-kaba'ir al-nar. فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. Donc le cheikh explique que le fait que يعني en ce qui concerne le fait que beaucoup d'entre les musulmans qui ont commis des grands péchés vont entrer en enfer, il dit ça fait partie de ce qui est établi sans aucun doute dans la dans les sunan, dans la preuve de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est mutawatir, c'est-à-dire tellement rapporté par un nombre tellement grand parmi les rapporteurs de hadith que c'est pas possible que ce soit faux. De même que le fait que les gens parmi les musulmans qui ont commis des grands péchés et qui vont entrer en enfer vont sortir de l'enfer tant qu'ils n'ont pas commis de shirk majeur ou de kouf majeur, qu'ils vont sortir de l'enfer éventuellement, et ça aussi c'est mutawatir. Et il dit que il y a également comme élément de preuve à ce sujet là le fait qu'il y aura une intercession de la part de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans qui ont commis des grands péchés, et que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir des gens de l'enfer par l'intercession de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et également par l'intercession d'autres que lui aussi. Et il dit, quiconque dit donc que les gens parmi les musulmans qui ont commis des kaba'ir seront éternellement en enfer, comme les khawarij, les mu'tazila, et qui essaient d'interpréter le verset dans surat Fatir, le verset 32, quand Allah divise les croyants en trois catégories. Ceux qui ont devancé les autres dans le bien, et ceux qui sont sur la voie moyenne, et ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font comme interprétation de ce verset-là? Ils disent que ce sont seulement les gens qui ont devancé les autres dans le bien qui vont rentrer au paradis. Tandis que ceux de la voie moyenne et ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils disent, ceux-là seront en enfer, ils n'entreront pas au paradis. Hein? Ça, c'est l'interprétation des Mu'tazila, hein, et des Khawarij. Et à l'opposé des Mu'tazila et des Khawarij, il y a l'interprétation des Murji'a, qui, eux, ils refusent d'accepter que quiconque parmi les musulmans, même s'ils ont commis des kaba'ir, n'entrera en enfer. Donc pour eux, personne parmi les musulmans, même s'il a commis des grands péchés, personne d'entre les croyants n'entrera en enfer. Et ils prétendent que les gens parmi les musulmans qui ont commis des grands péchés, ils vont tous rentrer au paradis sans aucun châtiment. Hein? Et il dit, les deux interprétations sont en opposition et en contradiction avec la sunna qui est établie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en contradiction également avec le consensus des salafs, hein, des pieux prédécesseurs de cette umma ainsi que de ses imams. Hein? Puisque c'est clair que il y a les preuves dans le Coran, dans la Sunna, que les musulmans qui ont commis des grands péchés, ils sont sous la volonté d'Allah, et que Allah, s'il veut, il peut les châtier, comme il peut également leur faire miséricorde. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce dernier point-là, qu'on vient de lire des paroles de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et il l'explique en disant, « هَذَا رَدٌ عَلَى الْمُرْجِئَةِ هَذَا الْكَلَامِ فِيهِ رَدٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ وعلى الذين يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ولا يخرجون منها وهم الخوارج والمعتزلة المرجئة على النقيض يقولون أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أبدا هم في الجنة ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك وهذا غرور وجهل فإنه متواتر تواترت الأدلة على أن أصحاب الكبائر قد يدخلون النار ويعذبون فيها وقد يبقون فيها مدة طويلة ويخرجون من النار فحما متفحمين ثم تنبت أجسامهم وتحيا ثم يدخلون الجنة فهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية والإيمان لا ينقص بالمعاصي ولا تضرهم وهذا جهل وقول على الله بغير علم ومخالفة للأدلة فالخوارج والمعتزلة على طرفي نقيض وأهل السنة والجماعة يعني متوسطون ولله الحمد يعني متوسطون في هذا فلا يقولون إن المعصية لا تضر وإن العاصي صاحب الكبيرة كامل الإيمان كما تقوله المرجئة ولا تقول إنه ليس معه إيمان أصلا وهو كافر كما تقوله الخوارج بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان. Donc le cheikh il explique ici, il dit que dans ce que nous avons mentionné à propos de ce verset, il y a donc une réfutation des Murji'a, hein, et il y a une réfutation même des deux groupes extrêmes, les Murji'a et les Khawarij. Il dit parce que ils sont à deux extrêmes, ces groupes-là. Ceux qui disent que les gens, hein, comme les Murji'a, ils disent que, yani les Khawarij, ils disent que les gens qui font des grands péchés, ils vont être éternellement en enfer, ils ne sortiront jamais. Ça, c'est les Khawarij et les Mu'tazila. Et les Murji'a, eux, ils sont à l'autre extrême. Ils disent que les gens qui ont commis des grands péchés, ils ne vont jamais rentrer en enfer. Ils vont tous rentrer au paradis. Et que leurs kaba'ir, les grands péchés qu'ils ont commis, ne leur font aucun tort. Hein? Les grands péchés qu'ils font, qui sont moindres que le shirk, ne leur feront aucun tort. Et il dit ça, c'est hein, une tromperie et de l'ignorance. Il dit parce que les preuves authentiques de la sunna et du Coran, qui sont mutawatira, hein, en très grand nombre, ont établi le fait que les grands péchés, les gens qui ont commis les grands péchés vont peut-être rentrer en enfer, et que c'est possible qu'ils soient châtiés en enfer aussi, et qu'ils restent en enfer une longue période de temps, puis que par la suite ils vont sortir de l'enfer comme des morceaux de charbon calcinés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir, va faire pousser leur corps comme une semence lorsqu'elle sort de sa graine, hein, et qu'elle commence à repousser. Eh bien, leur corps va sortir également de leur écorce carbonisée. Hein, leurs corps vont sortir de cette écorce toute brûlée et vont repousser, hein, à nouveau et revenir à la vie, et ils vont entrer par la suite au paradis, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques, comme le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. Donc dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire rentrer les gens du paradis au paradis, et ceux dont il a voulu faire rentrer au paradis par sa miséricorde, il va les faire rentrer au paradis aussi. Puis il va faire rentrer les gens de l'enfer en enfer. Puis il va dire: regardez, quiconque vous trouvez dans l'enfer qui a une graine, qui a le poids d'une graine de moutarde, de foi, faites-le sortir. Et donc ils vont faire sortir des gens qui vont être calcinés, brûlés, et ils vont être jetés dans la rivière de la vie, et ils vont pousser comme une graine pousse lorsqu'elle sort de son écorce. Hein? Et c'est de cette manière-là par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala les fait rentrer au paradis. Donc il y a dans ça une réfutation des Murji'a qui disent que le péché ne nuit pas à celui qui a la foi, il ne lui fait pas de tort, il ne diminue pas sa foi. Hein? Donc ça, c'est une réfutation pour ces gens-là, parce qu'on voit clairement que le péché fait du tort à celui qui a la foi, et que elle fait diminuer ce péché-là fait diminuer sa foi. Donc cette idée, elle est basée sur l'ignorance, et c'est le fait de parler à propos d'Allah sans science qui les amène à ce genre d'égarement-là, et c'est en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna. En ce qui concerne les Khawarij et les Mu'tazila et les Murji'a, on a dit tout à l'heure, ils sont à deux extrêmes et deux opposés, et donc les gens de la Sunna, ils sont au juste milieu. Les gens de la Sunna, ils sont au juste milieu entre ces deux extrêmes-là, par la grâce d'Allah. Et ce sont ceux qui disent que si tu fais des péchés, oui, ça nuit à ta foi. Et que la personne qui commet des grands péchés, hein, la personne qui commet des grands péchés, ça a un effet, ça nuit à sa foi. Donc, les gens de Ahl Sunna, Ils ne disent pas comme les Murji'a que le péché ça nuit pas à ta foi, ou que la personne qui a commis des grands péchés il a une foi complète et parfaite et entière, comme le disent les Murji'a. Et les gens de la Sunna, ils ne disent pas non plus par rapport au Khawarij que celui qui commet des grands péchés, il n'a plus de foi du tout et qu'il est kafir, parce que ça, c'est ce que disent les Khawarij. Khawarij, ils disent: si tu commets un grand péché, tu sors de la foi complètement, et tu sors de l'islam, et tu deviens un kafir, et ton sang et tes biens sont licites, et tu vas être en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la position des Khawarij. Donc les gens de la Sunna, ils sont entre ces deux extrêmes là et ils disent: Non, celui qui commet des grands péchés, c'est un croyant, mais il a une foi faible, hein, et ça a un effet sur sa foi lorsqu'il commet ces péchés-là. Toutefois, il est sous la volonté d'Allah s'il meurt sur le grand péché, et que ce péché-là est moindre que le shirk, soit que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire miséricorde et le faire rentrer directement au paradis, ou soit qu'il va le châtier et le faire rentrer en enfer par sa justice, et il va le faire sortir de l'enfer éventuellement, après qu'il ait brûlé un certain temps, pour le purifier de ses péchés. Et donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite: فقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب فلا تعلق بالمشيئة. Donc le Cheikh il dit, et il y a donc dans ce verset la preuve que la position des deux groupes extrêmes des Khawarij et des Mu'tazila est une position qui est corrompue et qui est fausse. Et il dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée dans les deux versets, dans le Coran, dans Surat An-Nisa, le verset 48, et dans l'autre verset aussi qui est dans Surat An-Nisa, je crois que c'est 121 ou 128, dans Surat An-Nisa, il dit: certes, Allah, il dit ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne, hein, il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans ce verset-là, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner le shirk. C'est-à-dire si quelqu'un meurt sur le shirk majeur ou sur le shirk mineur et qu'il ne se repent pas du shirk et du kufr avant sa mort, donc Allah ne va pas lui pardonner. Hein? Mais il nous informe qu'il va pardonner tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et il dit que ça, c'est pas possible de le prendre et de l'interpréter à propos de celui qui s'est repenti. Hein? Que Allah va, de dire que celui à qui Allah va pardonner tout péché qui est moindre que le shirk, que c'est celui qui s'est repenti. Non, c'est celui qui est mort sur ce péché-là sans se repentir. Mais ceux qui disent que c'est à propos de celui qui s'est repenti, hein, comme les Mu'tazila, hein, ils disent que c'est à propos de celui qui s'est repenti du péché avant sa mort, et ça c'est faux. Et le Cheikh il dit parce que Allah va pardonner le shirk à celui qui s'est repenti du shirk. Hein? Si quelqu'un s'est repenti du shirk, Allah va lui pardonner. Donc c'est la preuve que ce verset-là ne parle pas de celui qui s'est repenti. Il parle de celui qui est mort sur ce péché sans se repentir de ce péché. Puisque s'il est mort sans se repentir du shirk, Allah ne va pas lui pardonner le shirk, mais s'il s'est repenti du shirk, Allah va lui pardonner le shirk, ou le kufr aussi, s'il devient musulman. Hein? Et ensuite il dit, وَمَا دُونَ الشِّرْكِ فَيَغَفِرُهُ اللَّهُ أَيْضًا لِلْتَائِبِ. Et ce qui est en dessous du shirk, celui qui s'est repenti, Allah va lui pardonner aussi. Et donc il n'y a pas de lien, hein, il n'y a pas de lien avec la volonté par rapport à celui qui s'est repenti, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a promis, hein, qu'il accepte la repentance de celui qui se repent sincèrement. Et donc il n'y aurait pas de raison de mentionner à qui il veut, hein, si c'était pour celui qui s'est repenti, puisque Allah accepte la repentance de tous ceux qui se repentent. Mais quand il dit pour celui qu'il veut ou hein, à qui il veut, c'est pour celui qui meurt sans s'être repenti. Et c'est ce que Cheikh Al-Fawzan explique ici. Il dit par rapport au verset « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » verset 48 dans Sourate An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Il dit que il dit هذا رد على الخوارج والمعتزلة كما تقدم. Il dit ça c'est une réfutation de la secte des Khawarij et de la secte des Mu'tazila comme on l'a mentionné précédemment. Et ce verset, il est extrêmement important pour la compréhension de l'islam et la compréhension justement des questions qui ont rapport avec justement la foi et le shirk hein, et le kufr et toutes ces questions-là, parce que il nous fait comprendre en réalité hein, la limite de qu'est-ce qui fait sortir de la foi et de qu'est-ce qui ne fait pas sortir de la foi. Ensuite, il mentionne à propos de qu'est-ce qu'il a expliqué, à propos du fait que le péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, que ça c'est le shirk, et que ça c'est la preuve que quand Allah dit qu'il pardonne tout autre péché à qui il veut, hein, qui est moindre que le shirk, que ça ce n'est pas pour celui qui s'est repenti, hein, c'est pas pour celui qui s'est repenti. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit At-ta'ibu hadha kama la dhanba lah wa innama al-kalamu fi ghayr at-ta'ib sa'ib al-kabira allati lam yatub minha wa hadha mahall ad-dalil. Il dit que la personne qui s'est repentie d'un péché, c'est comme si elle n'avait pas de péché du tout. Donc le verset ici hein, il parle de celui qui ne s'est pas repenti, celui parmi les musulmans qui a commis un grand péché et qui est mort sur ce péché-là sans se repentir de ce péché. Et c'est ça le point qui est tiré de ce verset-là. Ensuite, il dit la suite وَكَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَ لِيَنَّ الشِّرْكِ يَغْفِرُهُ اللَّهُ لِمَنْ تَابَ. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à celui qui se repent tout péché, peu importe la grandeur. Hein? Et la preuve de ça, c'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafuru rahim. » Et c'est ça justement que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne par la suite. Donc Cheikh al-Fawzan il dit « Hada shirk wal kufr, hatta shirk wal kufr, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiruhu liman tab. » فالتوبة تجب ما قبلها وليس خاصا بصاحب الكبيرة. Donc il dit même le shirk et le kufr, la repentance l'efface, parce que la repentance efface tout ce qui est fait auparavant, hein? Et c'est pas spécifique uniquement à celui qui a commis des grands péchés. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit par la suite ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق وفي تلك الآية خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق على سواه على المشيئة ومن الشرك ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. نعم. Donc le cheikh il explique ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset dans sourate Az-Zumar, le verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le pardon de ceux qui se repentent, et il dit: Ô mon serviteur hein, qui est allé dans l'excès hein, contre son propre âme hein, et qui ont fait du tort à leur propre âme. Ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Et il est le pardonneur et le miséricordieux. Donc, le Cheikh dit ici que, Allah subhanahu wa ta'ala, il a généralisé le pardon et il l'a rendu absolu. C'est-à-dire, il pardonne tous les péchés. Hein? Tous les péchés. C'est-à-dire que, pour celui qui s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner au serviteur qui s'est repenti tous les péchés dont il s'est repenti. Et donc celui qui s'est repenti du shirk, Allah va lui pardonner. Celui qui s'est repenti des grands péchés, Allah va lui pardonner les grands péchés. Celui qui s'est repenti hein, d'un péché quelconque, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ce péché-là. Et il y a donc dans ce verset hein, le fait que la repentance elle est mentionnée de façon générale et absolue. Tandis que dans le verset précédent, dans Sourate An-Nisa, le verset 48, eh bien, le pardon, il est mentionné, mais il y a une clause qui est spécifique et il y a une condition qui est attachée, hein, où il y a quelque chose qui est raccroché à ce pardon-là. La différence entre les deux, c'est ça, entre les deux versets. Le premier verset, c'est le pardon d'Allah pour celui qui se repent. L'autre verset, le verset dans Sourate An-Nisa, le verset 48, c'est quelque chose qui est spécifique pour celui qui fait un péché autre que le shirk. Parce que celui qui fait le shirk, Allah ne va pas lui pardonner. Et ça, c'est si il est mort sur le shirk sans se repentir. Et également, tout autre péché qui est moindre que le shirk, Allah va le pardonner pour qui il veut. Donc, c'est relié à sa volonté. Hein? Et il dit, وَمِنَ الشِّرْكِ التَّعْطِيلُ لِلْخَالِقِ hein? Le fait de nier, hein? Parmi les aspects du shirk, il y a aussi le fait de nier le Créateur. Donc, la personne qui renie Allah subhanahu wa ta'ala et qui refuse de croire en lui, donc qui fait le kufr, on peut considérer ça aussi que ça rentre dans le shirk. Donc certains ils vont dire par exemple, oui mais le verset il dit que Allah ne va pas pardonner le shirk, mais est-ce qu'il va pardonner le kufr? Non, parce que le kufr c'est une forme de shirk si on veut. Et donc celui qui commet le kufr, il rentre dans cette catégorie de ceux que Allah ne va pas pardonner s'il meurt dans cet état-là sans s'être repenti. Et il dit, et ça c'est la preuve de la position fausse de celui qui prétend que Allah va pardonner tout péché, hein, même le shirk ou le kufr. Ça c'est incorrect. Et donc le cheikh il explique à propos de ça, Cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires à propos de ça. Il dit ثم قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يعني أمر بالتوبة فهو يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. Hein? Donc la preuve que le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 53, il parle de celui qui s'est repenti, c'est le verset suivant dans le verset 54. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, c'est-à-dire revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et donc il y a ici l'ordre de la repentance, et c'est-à-dire donc que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous les péchés à celui qui s'est repenti de ce péché-là avant sa mort. Et il dit وَيَغْفِرُوا par rapport à la suite du verset dans Sourate An-Nisa, le verset 54, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, que ce verset-là, il y a dedans le fait que le shirk ne sera pas pardonné à celui qui ne s'est pas repenti, et que tout autre péché qui est moindre que le shirk, il est sous la volonté d'Allah. Il dit le cheikh à ce sujet-là, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أي أما في آية التوبة فَلَمْ يَسْتَثْنِي يعني لم يقل من تاب. تاب الله عليه إن شاء. Donc il dit, يعني Allah سبحانه وتعالى, il a mentionné dans ce verset qu'il va pardonner tout péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Tandis que dans l'autre verset, dans Surat Az-Zumar 53, il ne dit pas à qui il veut. Il mentionne qu'il va pardonner tous les péchés. Hein? Tandis que dans l'autre verset, il dit à celui qu'il veut. Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est le pardon pour celui qui s'est repenti, tandis que dans l'autre, c'est le pardon à qui il veut, c'est pour celui qui ne s'est pas repenti. Et il dit dans le verset 3, dans la suite de l'explication de Cheikh al-Islam, que le kufr fait aussi partie, la négation du Créateur fait aussi partie du shirk, et que ça c'est la preuve que celui qui pense que le pardon il est pour tous les péchés sans exception, et bien que ça c'est la réfutation des murji'a. Il dit le Cheikh hadha raddu 'ala al-murji'a أشد من الشرك الجحود والتعطيل الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. Donc ceux qui, il dit, ça c'est une réfutation des murji'a, puisque le shirk de la négation, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui nient le Seigneur, qui nient l'existence d'Allah, ça c'est une forme de shirk aussi, hein, c'est une forme de shirk, et c'est une réfutation des murji'a également. Il dit wa nabbaha bishirk ala ma huwa a'zam minhu. On va terminer avec ça. Il dit wa nabbaha bishirk ala ma huwa a'zam minhu ka ta'til al khaliq. Hein? Ou يجوز الا hein? Ou يجوز الا يعذب بذنب. فانه لو كان كذلك لما ذكر انه يغفر البعض دون البعض. ولو كان كل ظالم لنفسه مغفور له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى يغفر ما دون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض. فبطل النفي والوقف العام. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a indiqué dans ce verset qu'il va pardonner tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et quand il indique qu'il ne pardonne pas le shirk, eh bien ça implique ce qui est plus grave que le shirk, c'est-à-dire la négation du Créateur, le kufr. Et « أو يجوز إلا يعذب بذنب » Il la yu'adhab bi dhanb. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit ya'ni juhdul rabb subhanahu wa ta'ala wal qawl bi anna al-amr mu'allaq bid dahr aw bit tabi'a wa laysa hunaka khaliq ta'ala Allah amma yaqulun wa hum ad-dahriyya wal malahida. Donc il dit que ceux qui nient l'existence du Créateur, ou ceux qui disent que c'est le temps ou la nature qui crée, et qui nie qu'il y ait un créateur, comme les athées par exemple, ou les matérialistes qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre aussi dans ce que Allah ne va pas pardonner pour celui qui est mort sans se repentir du shirk. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset qu'il va pardonner à certains et non à d'autres. فَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Il va pardonner tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. C'est la preuve qu'il va pardonner à certains et non à d'autres. Il va faire miséricorde à certains et non à d'autres. Et ça c'est une réfutation des murji'a. Il dit le cheikh ou يجوز ان لا يعذب بذنب. C'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas châtier certains pécheurs pour le péché qu'ils ont commis par sa miséricorde, comme le disent les murji'a. Les murji'a ils disent non, c'est-à-dire les murji'a ils disent tous les pécheurs vont entrer au paradis. يقولون لا يعذب بذنب ما دام أنه مؤمن وإن صدرت منه ذنوب فهو لا يعذب أبدا. Mais eux, les Murji'a, ils disent non, aucun pécheur ne sera puni, aucun pécheur ne va rentrer en enfer. Mais le verset dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à ceux qui ont fait des péchés. Il va pardonner à certains et peut-être qu'il ne va pas pardonner à d'autres. Donc ça prouve que la position des Murji'a, elle est fausse. Puisque les Murji'a, ils disent aucun pécheur ne sera péché, ne sera puni. Et Allah, il dit, il va pardonner à qui il veut. Ceux qui ont fait un péché moindre que le shirk. C'est la preuve que certains parmi les pécheurs vont être punis. Et ensuite, il explique يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, si toute personne qui se fait de l'injustice à lui-même était pardonnée, sans repentance et sans avoir fait de bonnes œuvres qui allaient effacer ce péché-là, Allah ne l'aurait pas rattaché à sa volonté. Et il n'aurait pas dit, et il pardonne tout autre péché qui est moindre que cela à qui il veut. C'est la preuve qu'il va pardonner à certains et non à d'autres. Et ça, c'est la preuve, de la fausseté de la position des Murji'a. Et le Cheikh, il explique, il dit ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَالتَّوْبَةُ لَمْ يُعَلِّقْهَا يعني فالتوبة لم يعلقها الله بالمشيئة من تاب تاب الله عليه وإنما علق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين. Donc Allah, il dit, il va pardonner tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. C'est-à-dire, c'est la preuve que celui qui s'est repenti, Allah va accepter sa repentance parce qu'il n'a pas rattaché la repentance à sa volonté pour celui qui s'est repenti. Celui qui s'est repenti, Allah va lui pardonner. Il va accepter sa repentance. Mais il a rattaché le pardon de ceux qui font des péchés qui sont moindres que le shirk à qui il veut, il l'a rattaché à sa volonté. C'est pour ceux parmi les croyants qui ne se sont pas repentis de ce péché-là avant leur mort seulement, et non ceux qui se sont repentis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain la suite, Inch'Allah, de ce sujet qui est vraiment important et intéressant et important à comprendre, et que malheureusement beaucoup de musulmans ont mal compris. Beaucoup de gens justement sont tombés dans le takfir et dans la voie des khawarij au sujet de ces questions-là, parce qu'ils n'ont pas compris les détails de ces questions-là, et en particulier ceux qui font le takfir des dirigeants. En particulier ceux qui font le takfir des dirigeants, ils sont tombés dans l'extrême de la voie des khawarij. Et parce qu'ils sont devenus des khawarij sur ces questions, ils pensent que la position des gens de la sunna, c'est la position des murji'a. Parce que les khawarij, quand ils regardent les gens de la sunna, ils pensent que ce sont des murji'a. Et les murji'a, ils sont à l'autre extrême. Donc ils pensent que les gens de la sunna sont des khawarij. Et c'est seulement les gens du juste milieu et de la vérité qui sont capables de voir les choses à leur juste mesure, parce que c'est eux qui ont une balance qui est bien ajustée. Donc quand on pèse avec la bonne balance et que la balance elle est ajustée, c'est là que tu peux savoir réellement qu'est-ce qui est la vraie valeur des choses. C'est comme par exemple si quelqu'un il a une balance mais il l'a pas mis à zéro avant de peser l'affaire qu'il veut peser dessus. Donc tu prends la chose que tu veux mesurer et tu la mets sur la balance, mais à la base elle n'était pas à zéro. Donc le poids que tu vas avoir, il va pas être le poids exact. Si elle était en bas de zéro, le poids il va être incorrect. Si elle était en haut de zéro, le poids il va être incorrect aussi. C'est seulement si ta balance est à zéro qu'elle va donner la bonne mesure. et ceux qui ont la bonne ceux dont la balance est réellement bien ajustée sur la vérité, c'est les gens de la sunna. Les autres, ils sont soit dans l'extrême ou soit dans le laxisme, comme les khawarij et les mu'tazila. Et à cause de ça, quand ils jugent les autres, ils jugent incorrectement et de façon fausse, parce que leur balance n'est pas ajustée sur la vérité de qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la sunna. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.